Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Raconter le monde, une série d'Arnaud Contreras réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a un festival malouin d'étonnants écrits voyageurs et ce récit ininterrompu et pluriséculaire de ceux qui rentrent de voyage et qui un jour décident de raconter ce qu'ils ont vu. Mais parfois, ces récits deviennent des livres savants, mais aussi mythiques. Alors pour commencer, les personnages. Jean Mallory, un auteur et son festival, un auteur qui est un lecteur, un écrivain qui cherche l'émotion, un éditeur qui revendique un héritage, un écrivain qui ne doute pas, un baroudeur guide et un ingénieur agronome. Ensuite le décor. Des grands noms, un projet, une collection, de l'exigence, l'ethnologie, la littérature, le structuralisme, les voyages, l'exotisme, le désert, un pari littéraire, de la télévision égocentrique, des fêlures, des départs, des fuites, Tintin et une époque révolue. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute une voix. Je suis à Moriusac, nous sommes le 31, et je suis avec Inalouk, fille d'Atitak et de Apilak. C'est Atitak qui a été la dernière épouse de mon ami Poualouna. Raconter le monde, terre humaine, collection singulière. Arnaud Contreras, Jean-Philippe Navarre. En 1954, le chercheur et explorateur Jean Mallory crée la collection Terre humaine. Son ambition est de publier des récits du monde qui privilégient la parole des peuples dits minoritaires. Des textes qui transmettent les découvertes des chercheurs et aventuriers qui vont à leur rencontre. Mais aussi des textes d'écrivains, comme ceux de Jean Ségalen, Jacques Lacarrière, Pierre-Jacques Ézéliès. Au travers de ce documentaire, nous écoutons les paroles de ceux pour qui cette collection a été fondatrice, d'un parcours, d'une œuvre, d'un goût de l'ailleurs. Voici Jean Mallory. J'ai tenté, dans cet ouvrage intitulé « Les derniers rois de Tulé », j'ai tenté de définir, de situer la position de ce petit groupe d'hommes, les Esquimaux polaires, qui habitent la région la plus septentrionale du monde. Ils sont combien ? Ils sont 300. Et vous aviez appris leur langue, bien entendu. J'ai dû l'apprendre. J'avais eu déjà l'occasion, dans le sud du Groenland, d'apprendre la langue Esquimau. J'ai dû m'adapter au dialecte de Tulé, qui est légèrement différent, et au cours d'un hivernage, solitaire, je crois que c'est la bonne façon pour pénétrer dans l'intimité d'une population archaïque, j'ai pu observer ces gens dans leurs coutumes quotidiennes. Wow, c'est un personnage bigger than life, et quand on voit ce qu'il a fait, c'est une telle histoire, Terre humaine, qui a accompagné le festival pendant très longtemps. Mallory était chez lui au festival. Alors il arrivait toujours pareil. Il me prenait dans ses bras, me soulevait de terre. Et lui, nous sommes, toi et moi, de la race des géants. Michel Lebris, vous êtes écrivain, éditeur, fondateur du festival Étonnant Voyageur. Comment est-ce que la collection Terre humaine est associée à ce festival Étonnant Voyageur ? Dès le début, en fait. Ça correspondait tout à fait à l'idée de littérature que l'on voulait défendre, parce qu'il s'est placé en dehors du milieu, quelque part. Et on en a parlé souvent de son rapport d'opposition au milieu intellectuel et au milieu de ses collègues, disons. Parce que ce qu'il cherchait, c'était une écriture du réel. Ce n'était pas des essais théoriques, classiques, etc. C'est qu'il cherchait à chaque fois des textes d'écrivains, persuadé que c'était la littérature pas seulement la, justement, c'est intéressant aussi, pas seulement la fiction, donc, mais aussi ce qu'on appelle non-fiction aujourd'hui, mais d'où son intérêt pour Ségalène, pour des auteurs de ce type, de ce type-là, c'est ce qui a fait le succès de sa collection et sa profonde originalité. Il faut bien prendre conscience que cette collection, elle est en dehors de toute la littérature ethnographique, sociologique, etc. C'est parce que c'est de la littérature. J'ai tendance à penser que ce genre de choses est l'aventure d'un homme. Qu'il est allé au bout de cette aventure avec une exigence. On ne se rend pas compte de son travail. C'est que chaque bouquin, il travaillait avec l'auteur. Il avait une exigence totale à ce niveau-là. Monsieur Mallory, puisque vous êtes ici et que vous dirigez la collection, pourriez-vous nous éclairer et nous dire de quoi il s'agit ? Eh bien, en créant cette collection Terre humaine aux éditions Plomb, j'ai cherché avec un certain nombre d'amis à répondre à un vœu du public qui attend essentiellement de l'observateur, du voyageur, un témoignage irrécusable, un témoignage de sérieux, un témoignage de savant. J'ai également pensé qu'il était bon de répondre aux vœux d'un grand public qui cherche à trouver dans ses ouvrages de savants des ouvrages qui lui soient accessibles. Et qu'est-ce que vous entendez par le sérieux et l'honnêteté du voyageur ? Eh bien, le sérieux commence par l'approche même de cette population, et cette approche ne peut être faite de façon valable que si l'observateur, l'ethnographe, le géographe, c'est la langue de cette population. Tristan Savin, vous êtes fondateur de la revue Long Cours. À un moment dans votre carrière, vous avez rencontré cette collection Terre humaine. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? La Terre humaine, déjà, c'est un très beau nom. Vous avez cette notion que je trouve fabuleuse. En deux mots, tout est dit. Vous avez l'humanité et vous avez cette terre qui abrite cette humanité. Je crois me souvenir, parce que j'avais eu la chance de rencontrer Jean Mallory, le créateur de cette formidable collection. J'avais fait un grand portrait de lui et une très longue enquête pour le magazine Lire. J'avais appris qu'au départ, ça devait s'appeler Terre des Hommes. L'idée de cette collection que je trouve formidable, c'est qu'on va parler des hommes qui peuplent cette terre. Le mieux, c'est de faire appel à des gens qui les étudient d'un point de vue scientifique, à savoir c'est tout le domaine des sciences humaines, c'est de l'ethnologie, c'est de l'anthropologie, c'est de la sociologie. Donc l'idée formidable en fait de Mallory, ça a été de réunir tous ces gens qui étudient les hommes, mais aux quatre coins du monde, et de nous faire découvrir des peuples qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc ça va être évidemment Lévi-Strauss, ça va être tous ces ethnologues des années 60-70 qui ont étudié les Indiens d'Amazonie ou d'ailleurs. On va leur donner la parole pour nous expliquer comment les hommes vivent ailleurs. Voilà, et ça je trouve ça absolument formidable parce que c'est une ouverture sur le monde. Et j'ai eu la chance, non seulement comme je le disais, de rencontrer Mallory, mais surtout en menant ma longue enquête sur cette collection, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui s'avéraient, des écrivains ou autres, qui s'avéraient de vrais passionnés de la collection, notamment Michel Lebris, le fondateur du festival Étonnant Voyageur, qui a la collection complète de Terre humaine. Vous avez aussi Michel Onfray, lui aussi un grand fan de cette collection. Voilà, c'est ça Terre humaine, c'est cette volonté d'éclairer le monde, de nous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas a priori, qu'on ne voit pas en tout cas dans les médias traditionnels. Là, ce sont des gens qui ont le temps, parce que ce sont des ethnologues qui ont passé des années sur le terrain, qui ont le temps de vous raconter des histoires passionnantes, comment vivent les hommes, les peuples premiers, comment vivent les hommes depuis des millénaires dans des endroits oubliés de la planète, que ce soit au fin fond de l'Asie ou en Amérique du Sud ou ailleurs, ou même en Bretagne. Un des plus grands succès de la collection Terre humaine, c'était Pierre Jacques Elias, le cheval d'orgueil, qui a fait découvrir une Bretagne que les Français ne connaissaient pas. J'ai voulu surtout leur enlever leur complexe d'infériorité. Pierre Jacques Elias, Le Bon Plaisir, 1989. Parce que j'ai vu que ces gens-là, considérés comme des pauvres gens, comme des pauvres types, ils avaient une conscience d'être vraiment tout à fait en bas de la société. Ce qui n'était pas vrai. Et c'est pourquoi tous les livres que j'ai écrits ont un titre gratifiant. Le cheval, c'est d'orgueil. L'herbe, c'est d'or. C'est de l'herbe peut-être, mais l'herbe d'or. Hein. le valet, c'est un valet, mais le grand valet. Mon père a été grand valet. Le grand valet, c'était le chef d'état-major hein, d'une ferme. Et bon, considère ça, tout ça comme des domestiques. Beaucoup de gens, et ça c'est un reproche que je fais à la littérature française, pour laquelle bien sûr j'ai beaucoup de considération, c'est évident. Hein. Ils n'ont pas suffisamment travaillé certaines catégories de la nation. Hein. Bon, vous oubliez, il y a M. Balzac qui a fait ce qu'il a pu, n'est-ce pas hein. Mais visiblement, il ne les connaissait pas bien, n'est-ce pas. Bon, Zola, il a fait aussi ce qu'il a fait, mais il a fait un petit peu en noir, plutôt, ce qui lui a, en somme, caché les côtés vraiment civilisateurs des coins. À l'époque, je m'intéressais beaucoup, et puis je pense qu'en France, on s'intéressait énormément à l'ethnologie de stricte obédience. Gilles Lapouge. C'est-à-dire à l'ethnologie des peuples dits sauvages, des peuples sans écriture, des peuples lointains. Et par ailleurs, il y avait évidemment des études de sociologie, par exemple, sur les milieux français, sur les sociétés françaises, mais ce livre, il attrapait tout un petit peu en diagonale, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'était un livre d'ethnologie, puisqu'il s'agissait de décrire une population très précise, relativement, je vais dire, primitive, c'est pas un mot que les Bretons aimeraient, mais enfin, relativement peu évolué. Et il y avait aussi un aspect sociologique, mais surtout, et c'est pour ça que j'ai été, quant à moi, complètement séduit, surtout c'était un livre de poète, c'est-à-dire qu'il faisait en effet une mission d'ethnologue, si on peut dire, mais c'était restitué par la poésie. Il n'était pas du tout question de ce dont nous étions vraiment écrabouillés à l'époque, c'est-à-dire les structures élémentaires de la parenté, enfin toutes ces lois, toutes ces statistiques, toutes ces règles, qui font de l'ethnologie remarquable d'ailleurs, hein, en particulier Lévi-Strauss qui est un magnifique chercheur. Mais là, brusquement, il y avait quelque chose d'autre, de beaucoup plus frais, de beaucoup plus peut-être vrai, authentique. Michel Lebris, est-ce qu'il y a des livres de la collection Terre humaine qui ont changé le monde ? Qui ont changé le monde Soleil au pays, par exemple, sur une vision de l'Indien, etc., qui était remarquable. Mais même le livre de Jacques Esselias est tout à fait épatant de ce point de vue-là. C'est aussi, là, c'est le regard d'un écrivain, d'un homme de théâtre, et qui avait surtout un contact extraordinaire avec les gens, une capacité d'en rendre compte. Oui, il y a vraiment beaucoup de livres. Prenez Ségalène, c'est pareil, ça a été vraiment un choc quand ce livre est sorti. Jackson sur les prisons américaines. Si on va prendre Jacques Esselias par exemple, qu'est-ce qu'il a changé du regard en fait ? Moi, il m'a beaucoup touché, mais il y a une telle sensibilité. Les gens se sont reconnus tellement dans la manière qu'il avait de parler des gens. Ils ont été touchés, les gens, parce que à chaque fois qu'il y a un livre comme ça, ou un autre ami, qui est un grand ami, qui vient d'avoir le Goncourt de la poésie, grand ami de Jacques Esselias aussi, qui est Yvon Lemaine, là, il vient d'avoir le Goncourt il y a quelques jours, il a travaillé comme ça avec les gens d'une cité très pauvre, la plus pauvre de Rennes, Maurepas. Je crois qu'il y a 80 nationalités ou 50, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près. Il a passé un temps infini avec eux pour les approcher, connaître leur histoire. Et il en a ramené un livre où c'est tout à fait la voix d'Yvon Lemaine, mais chaque poème est la voix aussi de la personne dont il parle. J'ai été bouleversé par la projection d'un film qui a été fait sur cette aventure-là, où tout Maurepas était là, et les gens en larmes, etc. Ils étaient bouleversés, parce qu'un type qui avait fait, je crois, 10 ans de prison pour un meurtre, etc., qui était venu là, ça, et puis il prend un micro, et il était en larmes, et il dit, on a été considérés. Et on se reconnaissait. Et donc, il y avait eu un respect de quelqu'un qui avait été attentif à leur silence, à leur voix, etc., qui avait su le rendre. Quand il y a ça, et ça, Jacques, ça a été ça aussi, des gens qui, en principe, ceux qui sont les personnages de Jacques sont ceux que les gens appelleraient des ploucs. des cutéreux, et il ressuscitait tout un imaginaire, un légendaire, le foisonnement des récits par lesquels tous ces gens-là se reconnaissaient, faisaient corps. C'est ça la force du livre, il ressuscite un imaginaire qui était complètement ignoré. Est-ce que c'est pas ça, Michel Lebris, la collection Terre humaine? Est-ce que c'est pas considérer le monde au sens? Ben bien sûr, mais oui. Mallory, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il y ait un rapport extérieur aux gens, les traitant comme des objets, quoi. En somme, des objets d'étude. Non, il fallait que ce soit des sujets parlants. Aymeric Fisset, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Transboréal ? Bien, moi, j'ai voyagé pendant 15 ans et j'ai écrit un livre chez Flammarion. Et j'avais auparavant publié moi-même un récit. Et en fin 1997, j'ai eu l'idée de faire appel à d'autres auteurs pour développer la maison. D'abord des albums et des récits de voyage. Et aujourd'hui, nous avons aussi des biographies, des essais sur le voyage. Aymeric Fisset, est-ce que vous vous sentez comme un héritier de Jean Mallory et de sa collection Terre humaine ? Alors, je suis d'une certaine manière un héritier de la collection Terre humaine, au sens où j'ai lu Adolescent triste tropique, où j'ai lu très vite aussi L'été grec, j'ai lu aussi des récits sur Anta, Laponie, etc. Donc j'ai lu effectivement plusieurs Terres humaines assez jeunes. Triste tropique m'avait beaucoup marqué dans l'édition que j'avais, puisque non seulement il y avait le texte, mais il y avait aussi ces images qu'avait prises Jean Mallory, avec cette tribu, les Namikwara, qui vivaient nus, etc. Et j'étais adolescent et ça me frappait, évidemment, ça m'a marqué quand même, cette collection Terre humaine. Il se trouve que des années plus tard, j'ai fait la connaissance de Jean Mallory dans le cadre d'une revue que je dirigeais, Chemin d'étoiles. J'ai lu En terre d'Ellesmer seulement, alors que j'étais en kayak avec Emmanuel Lucenay, Les derniers rois de Tulé. C'était le seul livre que j'avais emporté, que, il m'excusera, mais j'ai laissé ce livre sur l'île Cobourg que nous quittions parce que nous étions trop chargés, mais après l'avoir lu. Voilà. Maintenant, je suis tout à fait pour Terre humaine. J'ai beaucoup aimé Terre humaine. Je déplore cependant, vous couperez si c'est nécessaire, que parfois Jean Mallory se soit dit le porte-parole des Inuits. Voilà. Ce qu'il faut dans un récit de voyage, c'est avoir à la fois des éléments quotidiens, des éléments de marche, du carnet de bord, et avoir une perspective par rapport aux voyages qui ont précédé le voyage en cours, par rapport aux auteurs, aux voyageurs qui ont précédé le voyageur qui s'exprime, et puis aussi des éléments d'observation intéressants qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est à partir du moment où il y a, en quelque sorte, un entrelac de ces éléments personnels et de ces éléments historiques, culturels, et surtout aussi des éléments qu'ont pu rapporter les prédécesseurs, que le récit de voyage devient intéressant. S'il n'est que dans un registre ou dans un autre, ça n'est pas intéressant. Un carnet de bord ou une monographie, ça n'est pas un récit de voyage. Bonjour, je suis Marc de Gouvenin, ancien éditeur, ex-agent littéraire, écrivain. Le voyage, il fait partie de mon ADN, et les langues, c'est venu en même temps. C'est-à-dire que je n'ai pas, dans tous les pays où je suis allé, j'ai appris les langues. J'ai eu envie d'écrire, j'ai eu envie d'éditer des auteurs du pays, moi-même d'écrire ou non sur ces pays. Enfin, tout un parcours dans lequel langue, rêve d'enfance et envie d'éditer ont toujours fait bon ménage, y compris quand j'ai été professeur un moment en Éthiopie, puis au Maroc, où je me suis mis à imprimer des petits livres pour les élèves, pour qu'ils apprennent mieux le français ou l'anglais, ou connaissent leur propre pays avec des cartes, des objets, enfin voilà, c'est un mélange. Marc de Gouvenin, est-ce que la collection Terre humaine est une source d'inspiration pour vous en tant que jeune éditeur ? Pas vraiment. D'abord, jeune éditeur, enfin, quand j'ai démarré Antipode, j'approchais de 45 ans, quelque chose comme ça. Je vais plus faire le calcul, mais c'est 40 ans. Pendant 40 ans. Donc pas si jeune que ça. Terre humaine, oui, je connaissais. Enfin, j'étais surtout fasciné par un des titres. C'est le Wilfried Thesiger sur l'Arabie heureuse, avec quelqu'un qui est né en Éthiopie, l'auteur. Et moi, j'ai vécu en Éthiopie. Hugo Pratt aussi. J'ai écrit un livre sur l'Éthiopie. l'Éthiopie, préfacé par Hugo Pratt. Enfin, il y a tout un mélange comme ça pour moi autour de l'Éthiopie, de la mer Rouge, du Yémen plus tard où j'ai bourlingué pendant 15 ans. Ça fait partie de voilà, mon œil sur Terre humaine, c'est ça. Et quelle est la différence entre une publication chez Terre humaine et une publication chez Terre d'aventure? Mon parcours d'éditeur, il était, comme par ailleurs, j'étais 4 mois par an ailleurs dans le monde, que ce soit au Yémen, où j'allais beaucoup à l'époque, ou au Tibet, juste un peu plus tard, en 86, des premières rentrées au Tibet, comme ça. Je ne me comparais pas. Je prends les mots de Rimbaud, hein, pour la pensée, je ne crains personne. Voilà, j'étais sûr de mon truc. J'ai publié des livres excellents, puis d'autres moins bons, mais je ne me mesurais ni à Phébus, ni à ce que faisait Michel Lebris, ni à ce que faisait Mallory dans Terre humaine. Moi-même, j'avais publié Gontran de Poncin, qui a vécu avec les Inuits, un titre qui s'appelle Kablona. Puis les titres sur la France même, hein, sur le monde rural. Mais il y a le côté ethnologique, même s'il n'était pas forcément dans les livres, mais personnellement, ça ne m'a jamais attiré vraiment. Le côté ethnologique, alors que quand j'étais dans différents pays, j'ai pris des petites notes, fait des petits dessins sur les tissus, sur les formes de cases, les plans des villes, les plans des marchés, mais c'était de l'ethnologie très exotique plutôt que sérieuse. Donc le côté sérieux de Terre humaine, c'était pas le mien. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais des bagues partout, des grosses boucles d'oreilles tibétaines, foulard yéménite autour du cou, un look assez baroudeur. Je travaillais pour l'agence Terre d'Aventure et j'avais envie de puisque j'avais ce métier d'éditeur dans la peau, on va dire, depuis gamin, hein, je reliais des petits livres, je faisais des petits livres de poèmes comme ça, j'avais envie de donner la parole à ces gens que je côtoyais, très baroudeurs, une quarantaine de personnes en France, de ce petit milieu qui connaissait des coins perdus du monde. Un jour, l'un d'eux, en parlant du Sahara, avait dit « insaisissable, je vous dis, insaisissable ». C'est vrai que les gens ne font que passer au Sahara. Jean-Marc Duroux, photographe et auteur. Je crois qu'il faut vivre le désert. Il faut vivre le désert de l'intérieur et y passer beaucoup de temps pour arriver à écrire. C'est un pays qui est très difficile, très dur. Il fait chaud, il y fait très froid. Excusez-moi l'expression, mais des fois, le silence est tellement pesant qu'il est angoissant et on s'y emmerde, soyons très clairs. Parce que je pense qu'il faut avoir vécu. Il n'y a pas de saison au Sahara. Il y a une saison chaude, une saison froide. Il n'y a pas d'arbres caducs avec les feuilles qui tombent, qui vous disent si on est à l'automne ou on est au printemps. C'est toujours pareil. Quand on a vécu, par exemple, comme moi, j'ai vécu pendant plusieurs années au Sahara en continu. Je veux dire, vous habitez dans une oasis comme Janet. Les jours s'écoulent identiques. C'est-à-dire que vous êtes là, à 2h de l'après-midi, vous faites la sieste, il fait trop chaud, vous êtes dans votre zeriba ou dans votre casemate avec des troncs de palmiers au-dessus de la tête, en terre battue, sur un lit picot, et vous comptez les mouches, parce qu'il ne se passe rien. Le matin, vous vous levez, on entend le bruit des ânes qui hennissent et le bruit des norias. Ensuite, on entend le mésine qui chante, les oiseaux. Et tout le reste de la journée, il ne se passe rien du tout. Il faut avoir... Le Sahara, on dit souvent, le Sahara est un espace qui en définitive, il faut avoir les nerfs bien accrochés, il faut être bien dans sa tête, sinon on devient vite fou. Hein. Il faut être né nomade pour vivre au Sahara. Je pense qu'il faut être un saharien de souche. Et effectivement, la majorité des gens passent au Sahara. Et très souvent, le Sahara déclenche d'ailleurs un peu d'orgueil chez les gens. C'est parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur la dune, on a toujours l'impression de monter la crête de la dune, d'être le premier explorateur à monter la crête de la dune. Ce qu'on oublie, c'est que peut-être que 2 jours avant, quelqu'un est monté, ou un mois avant, ou un an avant, sur cette même dune. Mais le vent efface la trace. Donc vous avez toujours l'impression d'être le premier au Sahara, mais le Sahara, c'est, il faut le vivre au quotidien, savoir ce que c'est que les tempêtes de sable, vivre recroquevillé pendant 3 jours, comme moi j'ai pu avoir l'occasion de le faire dans ma vie, 3 jours sous un burnous, parce qu'il y a une tempête de sable, et pas bouger nuit et jour. D'ailleurs, le plus beau miracle du désert, c'est d'avoir, quand vous arrivez, vous avez 200, 300 kilomètres à travers le désert, où il n'y a rien, rien. Et puis tout d'un coup, au creux d'une petite vallée, c'est le miracle du désert, c'est de trouver une tente avec des enfants, un couple de gens avec des vieillards, une vie, une vraie vie qui est là. Et vous dites, mais c'est pas possible. Mais comment ces gens arrivent à vivre? On est à 8 jours de chameau de la première oasis où ils peuvent avoir un peu de farine, un peu de sucre, un peu de thé. Et avec leurs chèvres, leurs chameaux, ils arrivent à vivre là. Ils tiennent la route, il faut être vraiment un saharien de souche. Et ça, c'est le vrai, pour moi, c'est le vrai miracle du désert. On peut dire que tout a été, sur le Sahara, on a vraiment cherché, les gens étaient très curieux, les scientifiques ont été très très curieux, on parle de la géologie, de la faune, de la flore, de l'ethnologie, de l'ethnographie, de la poésie chez les nomades. Quasiment tout a été traité. Peut-être que ce qui manque le plus, c'est de leur avoir donné la parole. D'un point de vue, on va dire du point de vue des nationalités, est-ce que tout le monde est représenté dans cette collection Terre humaine, ou est-ce qu'il y a uniquement des auteurs occidentaux ? Là aussi, Mallory a eu la grande intelligence de faire appel à toutes sortes d'auteurs. Vous avez des auteurs latino-américains, vous avez des auteurs américains. Tristan Savin. Il y a eu des enquêtes faites par des chercheurs latinos en Amérique du Sud, des enquêtes formidables. Vous avez aussi eu, j'ai oublié le nom, mais il y a eu ce livre absolument génial sur les fermiers américains. C'est aussi ça la richesse de cette collection, c'est qu'elle représente vraiment toute la connaissance de la Terre. Vous avez des auteurs de partout, en fait, tout simplement, parce que c'était son travail, c'était de faire découvrir le monde, la Terre humaine. On connaît en France surtout les plus connus, parce que ce sont ceux qui ont le plus vendu, les plus gros succès qui ont été Mallory lui-même, d'ailleurs, parce que je crois qu'il en a vendu plus d'un million d'exemplaires de son livre sur les derniers rois de Thulé, sur le Groenland, parce qu'il y a eu plein de rééditions. Lévi-Strauss, tout le monde s'en souvient, évidemment, Triste Tropique, le titre lui et les premières phrases, l'incipit de formidable Joël et Voyageurs, tout le monde s'en souvient. Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss est, à mon sens, un très grand livre. C'est Jean Mallory. Certainement un des plus grands livres que j'ai eu l'occasion depuis des années de lire. C'est beaucoup plus qu'une étude d'une population de un groupe d'indigènes vivant dans le Mato Grosso en Amérique du Sud. C'est une méditation sur le progrès, sur la civilisation, sur la place de l'homme dans la nature, les rapports entre l'ancien et le nouveau monde, tout ceci à partir de l'examen des formes d'art, de l'organisation sociale, des croyances religieuses. Peut-être par là touchons-nous à l'esprit de la collection qu'il faudrait peut-être indiquer en terminant, qui est, je crois, que c'est un moyen pour l'ethnographe de se retrouver lui-même au contact d'autres civilisations et au détour de ses voyages. Oui, je crois que ce à quoi a essentiellement répondu Claude Lévi-Strauss, c'est de renouer avec la tradition du voyage philosophique illustré par la littérature depuis le XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire avant qu'une austérité universitaire, une austérité scientifique mal comprise d'une part, le goût impudique du sensationnel de l'autre, n'ait fait oublier qu'on court le monde d'abord à la recherche de soi. De quelle manière est-ce que cette série a réussi à passer les différentes catégories, à ne pas être dans la littérature, ne pas être dans l'ethnologie, ne pas non plus être dans la vulgarisation ? Ça a été tout le défi de Mallory, ça a été justement de réussir à faire quelque chose de populaire, alors qu'au départ, sur le papier, cette collection, personne n'y croyait. Quand vous dites « je vais faire une collection ethnographique », on vous regarde avec des grands yeux, « bon, on va vendre 200 exemplaires ». mais je pense que il a réussi ce pari de rendre populaires des textes qui a priori étaient censés être confidentiels. Il a réussi ce pari grâce à la magie de la littérature, en faisant appel à des gens qui savaient écrire ou en les faisant retravailler, parce que Mallory, c'est un personnage formidable avec un sacré caractère. Il paraît que certains de ses auteurs devaient retravailler leurs textes 10 à 20 fois, et c'est un sacré perfectionniste. Donc, quand il dirigeait cette collection, c'était donner le meilleur pour un texte. Certains textes ont mis plusieurs années avant d'être publiés, donc il y avait un vrai travail d'édition et un travail sur la langue, sur l'écriture, qui ont permis justement d'accéder plus facilement à quelque chose qui sinon aurait été un travail universitaire un peu ennuyeux, un travail d'ethnographe un peu trop spécialisé. Donc il a fallu justement vulgariser, mais vulgariser intelligemment, parce que c'est quand même pas non plus si facile que ça à lire. Quand vous relisez Lévi-Strauss, par les premières phrases que tout le monde arrive à comprendre, quand on rentre dans les détails de la cosmogonie des Indiens, je sais plus lesquels, Yanomami ou autres, ou Arawak ou je ne sais quoi, c'est un peu compliqué à suivre, mais vous y arrivez parce que justement il y a cette langue et ce travail sur l'écriture. Après L'Afrique noire est mal partie, publié en 1962, juste après les indépendances, après L'Afrique étranglée, publié en 1980, voici René Dumont que vous récidivez avec Pour l'Afrique, j'accuse, publié à la collection Terre humaine chez Plon. Je vous cite, vous écrivez « J'accuse la majorité des dirigeants africains d'avoir d'abord profité des privilèges du pouvoir. » J'accuse la coopération française d'avoir accepté de financer des projets somptuaires. J'accuse la Banque mondiale et le Fonds monétaire international d'acculer ces pays à une austérité payée par les plus pauvres. J'accuse surtout tous les responsables d'avoir, par leur politique, ignoré, ruiné et méprisé les paysans africains. Agora, 1986. René Dumont, il y a très longtemps que vous travaillez en Afrique, bien avant votre premier livre, enfin en tout cas le premier 1949, livre. J'ai attaqué l'Afrique noire assez tard, puisque j'ai attaqué l'Indochine en 1929, et l'Afrique noire seulement 20 ans après, en 1949. Vous êtes ingénieur agronome, oui. Et donc vous aimez la terre et les paysans. Oui, j'ai enseigné 41 ans à l'Institut National Agronomique de Paris, mais de là rayonné à travers le monde, parce que de plus en plus, je considérais que les problèmes d'agriculture française qu'on m'avait affecté d'abord, se résolvaient aisément, peut-être trop aisément, puisqu'on a la surproduction, mais que les problèmes du tiers-monde étaient de plus en plus angoissants. Donc, depuis 1953, je me consacre exclusivement à ces problèmes. Oui, effectivement, cette angoisse nous étreint quand on lit votre livre. Et je dirais d'emblée, comme ça, que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'espoir. Non, il y a toujours un espoir, mais l'espoir est difficile. Et l'espoir n'aura lieu que si on prend conscience de l'extrême gravité de la situation. Et alors ça, c'est difficile à faire entrer dans l'opinion publique africaine, même des responsables africains. Les paysans qui le vivent tous les jours, eux le savent et le comprennent. Mais aussi bien le responsable africain que le responsable des pays européens, que le responsable des organisations internationales, bon, certains sont au courant, partiellement, mais ils n'ont pas fait le total de l'extrême gravité de la situation. Seul un journaliste anglais en a fait le total. Il s'appelle Lloyd Timberley, qui vient de faire paraître un livre qui s'ajoute au mien et le complète, l'Afrique en crise, la banqueroute de l'environnement. Alors lui, Lloyd Timberley, parle d'un continent entier. Moi, je parle du Sahel, mais lui parle d'un continent entier qui est en voie de perdition, la banqueroute de l'environnement totale. Le désert qui avance, et le désert qui avance, la sécheresse est là, mais la sécheresse, nous l'avons aggravée. Quelle est la différence entre la période du grand succès de cette collection Terre humaine et la période actuelle ? Je pense qu'il y a un certain nombre de voyageurs qui sont devenus extrêmement connus et qui vivent de cela, et grand bien leur fasse. Je pense évidemment à Sylvain Tesson, qui a connu un succès foudroyant. J'étais son deuxième éditeur, puisque j'ai fait deux albums avec lui, sitôt après Robert Laffont. Je pense à Nicolas Vanier, qui, parce qu'il produit des films, des documentaires, sur ses exploits, entre guillemets, est assez connu et médiatisé. Voilà, il y en a d'autres dans le lot. Il y a ceux qui produisent des séries audiovisuelles sur telle ou telle région du monde, qu'on suit, une famille qu'on suit, quelqu'un, un voyageur qu'on suit aussi. Oui, ceux-là sont connus. Maintenant, la différence, je crois, c'est que lorsque vous avez un Georges Condominas qui écrit sur les populations d'Indochine dans la collection Terre humaine, eh bien Georges Condominas, si vous voulez, rassembler des documents à caractère iconographique, des photos des Moy et autres, mais pas forcément des photos de lui face aux Moy. Surtout, il n'avait pas un cinéaste qui venait le photographier face aux Moy. Et à partir du moment où vous n'avez pas de film sur vous, vous n'accédez pas à la notoriété, tout simplement parce que vous ne passez pas à la télévision. Voilà. Donc la différence, c'est qu'il y a un certain nombre de voyageurs aujourd'hui qui produisent des films, dans le cadre évidemment de tel ou tel producteur délégué, qui produisent des films, je pense à Vanier encore une fois, ou alors qui réalisent des films, ou qui sont auteurs des films, ou qui sont figurants, entre guillemets, des films, et qui du coup, comme on les voit en scène, peuvent accéder à la télévision. Et là, la notoriété est décuplée, voilà, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, Condominas dans son coin, il rapportait des documents sur les gens qu'il avait autour de lui, et des documents qui ne parlaient pas de lui. Beaucoup, beaucoup de voyageurs très connus aujourd'hui, finalement, se font filmer en situation. Et là, je peux le dire, le pire, c'est évidemment, c'est j'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous, où là, on accède à une notoriété immense avec une imposture, en fait. Le j'irai dormir chez vous est même très violent. J'irai dormir chez vous. Quoi que vous fassiez, moi, français, filmant, réalisateur, j'irai dormir chez vous. Donc c'est même une insulte au monde autochtone, voilà, tout simplement. Rendez-vous en terre inconnue est aussi quelque chose qui, à mon avis, est totalement décadent, puisqu'en fait, lorsque telle ou telle personne va voir les Mongols des régions isolées de Mongolie, ou va voir les hommes-fleurs à Sibérout, je ne citerai pas les noms des acteurs ou des gens connus qui sont allés auprès de ces peuples, eh bien finalement, l'émission est regardée parce que c'est tel acteur, telle personne connue qui va auprès de ce peuple. Ce n'est pas pour le peuple qu'on regarde l'émission. Avec tout ce que ça implique, un tournage de 3 semaines, où finalement l'acteur s'extasie devant tout ce qu'il voit, a réussi à découvrir des hommes ou des femmes heureux, etc. Bon. Là, c'est un véritable problème. C'est le rendez-vous en terre inconnue n'a rien d'inconnu, puisqu'en 3 semaines, on doit tout filmer et tout est finalement scénarisé. Voilà. Mais est-ce qu'on ne s'intéressait pas à la Guyane, parce qu'Albert Londres y allait? Est-ce qu'on ne s'intéressait pas à la Syrie, parce que Kessel, à l'époque, y allait? Est-ce que ça a tant changé que ça? Alors, on s'intéressait à ces régions, effectivement, mais parce que les personnes qui y allaient, qui étaient des grands reporters, produisaient des séries dans les journaux, hein, je pense notamment effectivement à Londres et Kessel que vous avez évoqué, produisaient des séries dans les journaux qu'ensuite ils remaniaient pour produire des romans, de la fiction, etc. C'est pas du tout la même démarche. Ces personnes, même si elles étaient mandatées par un journal, partaient seules pour produire quelque chose. Sur le terrain, elles étaient seules face à une réalité qu'elles devaient observer et dont elles devaient rendre compte. Et elles en rendaient compte admirablement. Albert Londres à Petrograd en 1920, bon, c'est quand même un témoignage. 16 ans, je crois, avant Gide, 13 ans avant Istrati, un témoignage exceptionnel sur Petrograd. Voilà, mais elles étaient seules face à cette réalité. Aujourd'hui, quand même, vous avez des voyageurs qui partent avec l'ingénieur du son, avec le réalisateur, avec voilà, tout un tas de personnes, et ça n'est pas la réalité qu'elles vont découvrir. Ce qui va être filmé, c'est elles face à cette réalité, avec leurs réactions, leurs sentiments, parce qu'aujourd'hui, l'aventure doit passer par une personne. On va s'intéresser davantage à un pays si finalement l'expérience de ce pays est éprouvée et transcrite par une personne qu'on voit réagir en direct aux événements, aux infortunes de la route, etc. Tristan Savin, qui sont les héritiers des auteurs de la collection Terre humaine ? Malheureusement, l'ethnographie est beaucoup moins en vogue qu'à l'époque où la collection a été lancée. À l'époque de Lévi-Strauss, c'était quelque chose de complètement nouveau. Il y avait même des films réalisés avec des personnages, des héros de films qui étaient des ethnologues. Aujourd'hui, curieusement, pour une raison que je ne saurais expliquer, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup moins le grand public. Et en fait, je crois que ce que les ethnologues nous apportaient a disparu au profit peut-être de ce qu'on appelle les documentaires de la télévision. Les gens peuvent plus facilement découvrir ce que nous apprenait Terre humaine et les auteurs de Terre humaine. Les gens aujourd'hui peuvent le découvrir d'une manière beaucoup plus simple, sans avoir à se fatiguer à ouvrir un livre et à lire 500 pages d'un ouvrage un peu ardu, un peu complexe. Aujourd'hui, vous passez une heure devant une émission formidable d'ailleurs d'Arte, vous en apprendrez peut-être autant. Je pense que les héritiers de Terre humaine sont plutôt du côté des réalisateurs de documentaires. Michel Lebris, au travers de ce que vous dites de Terre humaine, c'est une collection qui ne pourrait plus exister aujourd'hui. C'est une collection qui n'aurait plus raison d'être aujourd'hui. Ah si. Je veux dire, c'est peut-être ce qu'il y a eu de mieux dans ce que le courant qu'on appelle aujourd'hui de la creative non-fiction. Il y a une espèce de rapport d'intensité entre un savoir incarné, et c'est jamais un savoir livresque, etc. C'est toujours incarné à travers une personne, une aventure, une présence de l'auteur impliqué dans le milieu dont il parle, etc. Si, je trouve que, hélas, a raison d'être, simplement, je crois aussi que c'est tellement une aventure. Il y a toujours une dimension terre humaine pris au sens, d'ailleurs beaucoup plus vaste que ça, de l'aventure humaine en même temps, au cinéma, en littérature, etc., qu'on met en avant chaque année dans le festival. De la même manière, on a vu aussi le documentaire évoluer en 30 ans. On commençait à arriver des documentaires parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les documentaires, quand on entend la voix grave du commentateur qui explique ce qu'on voit, ça m'insupporte très très vite parce que c'est plus que de l'illustration en fait d'un texte. Et j'ai vu arriver des films comme ça, souvent en son direct, pas de commentaires, rien, et on voit vivre les gens. Justement pour dire voilà ce que c'est qu'un regard créateur dans la manière de restituer le réel, qui ne serait pas pensable avec un commentaire, avec un discours. Ça, c'est des choses que je cherche en littérature, c'est des choses que je cherche. C'est un ensemble de choses, c'est une constellation de sensibilités comme ça. Il ne faudrait pas réduire l'un en l'autre, mais tout ça, c'est l'aventure humaine dans sa diversité et qui ne passe que par la manière de le montrer. Quelqu'un veut montrer ça en rajoutant de l'idéologie. Prenez aujourd'hui les débats sur les gilets jaunes, les pauvres. Il y a tout de suite un discours idéologique derrière. Personne, un idéologue, prendra jamais le temps de se taire, juste, et d'accompagner par le silence aussi quelqu'un qui va se confier. Et c'est révélateur, ça. C'est deux attitudes antagoniques. Soit on veut faire un discours et les personnes qu'on capte sont des gens qu'on exploite, en fait, pour faire passer un discours. Ou bien il y a ce respect, cette attention, voilà. Et ça, c'est une sensibilité de nature romanesque, en fait. Le voyage, c'est quand même... C'est une obligation, quelque part. Marc de Gouvenant. Gamin, quand je voulais foutre le camp, c'était viscéral. Et je pense que je n'étais pas le seul. Il y en a beaucoup, comme ça. Ceux-là sont partis, se sont centrés sur une ou deux régions du monde où on bourlinguait un peu de tous les côtés, ont pris des photos ou pas, ont écrit ou pas, ont raconté ou pas. Et souvent, à la base, il y a une fêlure aussi. C'est là où, pour moi, le récit de voyage était vraiment un genre littéraire. Il y a une brisure. Si on fout le camp, c'est pas pour découvrir et se faire plaisir, c'est souvent parce qu'on pouvait pas faire autrement. Et curieusement, on va retrouver ça chez Théodore Monod, qui se retrouve au Sahara par déception amoureuse. Il n'a pas voulu le dire tout de suite, il a attendu très longtemps. Un jour, il me l'a dit, puisque je le voyais toutes les semaines, il m'a dit « Maintenant, tu peux le dire. Si je suis arrivé au Sahara, c'est parce que j'avais été plaqué. » On va retrouver Nicolas Bouvier, qui est plaqué aussi, assez lent, et qui écrit un des plus beaux récits de voyage, qui n'est pas un récit de voyage, c'est un récit de souffrance, de solitude. Mais il l'avait cherché. L'écrivain voyageur qui m'intéresse et qui m'a intéressé et qui m'intéresse toujours, c'est aussi celui-là, c'est celui qui dans son bagage, que ce soit un tout petit sac à dos ou un peu plus grand, se trimballe lui-même. C'est pas l'égocentrisme qui m'intéresse, c'est le fait qu'on se trouve devant quelqu'un qui est là, non pas parce qu'il va voir ou qu'il fait ou qu'il collectionne les pays, etc., mais parce qu'il peut pas trop faire autrement. La vie des lettres, Jean Mallory, 1955. La raison essentielle qui m'a poussé à écrire ce livre, Les derniers rois de Thulé, c'est la situation dramatique de ce petit groupe d'hommes, les Esquimaux polaires. Cette population est en contact brutal avec la plus grande base aérienne militaire américaine que vous connaissez et qui groupait environ 8 à 10 000 hommes. 8 à 10 000 hommes, mon Dieu, d'une civilisation très évoluée et 300 Esquimaux vivant à l'âge du phoque ou de la pierre. Voilà le problème. C'est ce à quoi j'ai essayé de répondre. Autrefois, il y avait une notion d'aventure qui nous émerveillait dans le travail des ethnologues, c'est que les ethnologues partaient en expédition, ils allaient parcourir la jungle en pirogue pendant des semaines, c'est Tintin, quoi. On est vraiment dans Tintin. Cette période n'existe plus tout simplement parce que déjà ces peuples ont disparu pour la plupart. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus que 3% de l'humanité, ce sont des peuples autochtones, des peuples indigènes, des peuples tout simplement en voie de disparition. Donc il y a ce problème, il y a ce premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que la Terre s'est rétrécie avec Internet. Aujourd'hui, l'information va tellement vite. Moi, je peux appeler mon correspondant en Amazonie, j'ai la réponse 5 minutes après. Avant, il fallait attendre des mois avant d'avoir une réponse. Quel peut être le rôle de l'ethnologue dans cette planète rétrécie? C'est la question qu'on pourrait se poser. Dans les années 80, on arrive à un moment assez crucial pour le récit de voyage. Il y a la surabondance brutale de livres photos, parce que la qualité des photos, de l'impression, atteint un moment très particulier. On voit des livres sur des endroits incroyables du monde, parce qu'il y a aussi l'hélicoptère, il y a aussi les émissions télé. Alors, entre la télévision, avec souvent une médiatisation personnelle de quelqu'un, du voyageur, donc on structure... C'est aussi bien le livre photo que la télévision vont structurer des héros voyageurs comme ça. Alors là, on a bien du mal en tant qu'éditeur à dire, attendez, il y en a qui écrivent, qui ne sont pas des faux, entre guillemets, ils ne sont pas arrivés en hélico, ils vivaient là depuis des années, un jour, voilà. Donc là, on est maintenant, on est dans la suite de ça, parce qu'on est passé à la vidéo avec caméra sur la tête. Comment écrire une descente en parapente avec une GoPro alors qu'on avait Didier Favre, moi, qui avait écrit un récit de traversée des Alpes en deltaplane où il était tout seul, sans photo, sans rien, quoi. Il a fini par se scratcher et en mourir, le pauvre, mais là, il racontait ce que c'était, il écrivait ce que c'était. Maintenant, là, on arrive à des moyens de communication immédiate qui sont costauds. Je veux dire, on ouvre son appareil et puis on a une vidéo. Là, je regardais la semaine dernière, ça vient de sortir, il y a toute une ascension de l'Everest en vidéo. Camp de base par camp de base avec la vision en 3D de tous les passages de Sérac et puis à côté en parallèle les vraies photos différentes. Bon, c'est plus la peine d'aller à l'Everest, quoi. En gros, je l'ai déjà monté, l'Everest. Enfin, c'est un peu hallucinant parce que ça, quelle est la part du récit personnel là-dedans? Eh ben, voilà, on va revenir peut-être, on va revenir, c'est rien. Mais en tout cas, moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est la dimension personnelle, beaucoup plus personnelle, hein, de pourquoi t'es parti là-bas. Pourquoi t'es parti là-bas? Qu'est-ce que t'allais foutre là-bas? Comme m'a dit un jour un berger sévenol, alors que je lui parlais des caravanes de moutons dans l'Himalaya. Mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas, toi? Aujourd'hui, il se trouve que, étant éditeur depuis 20 ans, je voyage moins. Je voyage de manière moins longue, puisque j'ai voyagé en 2 ans et demi, 2 ans, 1 an et demi, 2 fois 6 mois, etc., sans jamais revenir chez moi. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de ça. Je suis éditeur. Aymeric Fisser. Mais en même temps, si je ne voyage plus, c'est parce que j'assiste à la dégradation du monde. Et surtout au fait que notre monde met en péril la nature, met en péril, par sa mise en péril de la nature, les relations humaines. Je pense notamment à toutes les populations défavorisées qui subissent de plein fouet la dégradation de l'environnement, la dégradation du climat, etc. Et il faut que les acteurs du voyage, les voyageurs, les éditeurs, les personnes de l'audiovisuel qui sont documentaristes et autres, réfléchissent sur leur action sur le monde et sur ce qu'elles, les nuisances qu'elles parfois elles apportent au monde. On ne peut plus aujourd'hui, à mon avis, alors j'ai, bon, je vais dire ça, j'ai 57 ans, j'ai beaucoup voyagé, donc je ne dirais pas ça à un jeune de 20 ans, évidemment, je ne vais pas lui casser sa baraque, mais on ne peut plus aujourd'hui, lorsqu'on a beaucoup voyagé, se dire je vais passer une semaine aux Açores ou je vais passer une semaine à Bangkok et ensuite, comme il y a un billet pas cher, faire un saut jusqu'à Rangoon, enfin Yangon, comme on dit aujourd'hui. C'est plus possible. Je veux dire, il y a un moment donné où on doit se poser la question des nuisances en matière environnementale au fait de prendre l'avion, des nuisances économiques au fait d'apporter subitement de l'argent à telle ou telle région du monde devenue à la mode, et de tous les désordres finalement qu'occasionne le tourisme mondialisé auquel nous assistons aujourd'hui. Donc c'est cette dimension un peu éthique, ou du moins de réflexion à caractère éthique sur le voyage, que je veux donner aussi à Transboréal. Michel Brice, qu'est-ce qu'il y a de commun aux auteurs Terre humaine? Qu'est-ce que c'est un auteur Terre humaine? Mais chacun est différent des autres. C'est ça d'ailleurs pour ça qu'ils sont des auteurs, et pas les voix démultipliées des spécialistes ressassant en boucle les mêmes choses. Il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, deux ou trois anthropologues comme ça ont sorti un livre. Ils posent une question très simple, mais comment ça se fait que les écrivains parlent mieux des populations qui sont pourtant supposées être nos objets d'études? Et donc ils demandent, je crois, à 12 spécialistes sur leur zone en question, qui en parle le mieux. C'était Stevenson, c'était XYZ, comme ça. Et eux-mêmes, d'ailleurs, se posaient la question, sans avoir de réponse très précise. Mais disant, oui, il faut quand même réfléchir à ça. Pourquoi les écrivains disent mieux la différence des gens, les mondes intérieurs des personnes, leur dimension romanesque, le foisonnement des histoires dans lesquelles les gens s'inscrivent pour vivre? Personne ne vit sans tout ce bruissement de contes, de légendes, de lectures, etc. Si on était privé de ça, on deviendrait étranger à soi-même et au monde, en fait. Moi, je suis né dans un milieu très pauvre aussi, et ferme alentour. On allait le soir, il n'y avait pas l'électricité encore, la lampe à pétrole, le feu dans la cheminée. Il y avait le vieux qui se mettait à raconter des histoires. Et moi, ça m'a marqué incroyablement, parce que d'abord, le trois quarts de la pièce était dans le noir. Puis alors, les paysans, leurs histoires, et à la mort, chaque truc, c'est bien fantastique, comme ça. J'avais l'impression que mes pieds rétrécissaient dans mes sabots. J'avais l'impression, derrière moi, il y avait quelque chose qui avait remué, là, dans les ténèbres. Quand on rentrait à la maison, on n'était pas si fier que ça. La mer était phosphorescente, on voyait les rochers qui se dressaient comme ça. Mais on peuple le monde de nos peurs, de nos effrois, de nos songes, etc. Et c'est ça qui fait l'habitation. Alors oui, Terre humaine, c'était ça, et ça je le sais parce qu'on en a parlé à non plus finir avec Mallory, c'était tout ça qu'il cherchait, oui. À Michel Lebris, Émeric Fisset, Marc de Gouvenin, Tristan Savin, Jean-Marc Duroux. Raconter le monde, Terre humaine, collection singulière, un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire France Culture. Réalisation Jean-Philippe Navarre, mixage Alain Joubert.